la rue m'a abîmé, animé d'une rage intérieure pour m'exprimer. Je vis une galère sans fin, pourquoi déprimer? Honneur à nos anciens et nos parents qu'on trimait. Me confonds pas à ces losers qui pensent qu'à frimer. La life me donne des coups brutaux qu'il faut assumer. Je pourrais être ce gros lâche qui peut venir t'allumer. Des sujets qui fâchent, je suis pas là pour combiner. Encore des histoires trash, des plugs estimés. Pour se faire du cash, l'homme est sanglant quand il s'y met. Retour aux sources, la qualité de mon son, la mec que ma drogue tous. Y'a que pour les vrais bonhommes, j'lève le pouce.